Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 57. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. My face. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time. À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Alors, bonne fin d'après-midi et bienvenue à cette nouvelle édition de Puissance Maximale, votre magazine d'intérêt ludique. Vous allez entendre plein de choses, plein de nouvelles, et également des tests de jeux avec l'équipe de Puissance Maximale qui est présente en studio aujourd'hui. Et j'ai nommé tout d'abord le cœur de Puissance Maximale, son fondateur François G. Couillard à la console. Salut Vincent Langlois. Salut François. Et nous avons également deux membres de notre puissance maximale qui nous sont arrivés il y a quelque temps sous l'effigie chronique nippone, chronique japonaise, mais quand même, c'est des gamers dans l'âme les deux. Andrew Castegan. Salut Vincent. Et Michael Michaud. Salut tout le monde. Et bien, on n'a pas besoin de se répéter, mais on se répète à chaque semaine. En fin de compte, l'émission est toujours bien remplie. Et on va faire un petit tour de table juste pour voir de ce dont on va discuter aujourd'hui. Michael. Ben aujourd'hui, je vais vous parler de Dragon Age 2, grosse sortie qui il y a deux semaines. Moi, je vais vous parler de la version PC. Ah ben, j'avais hâte d'entendre parler de ça parce que justement, il y a eu des petites modifications, je pense, par rapport au premier. On est peut-être sorti un peu du cadre du jeu de rôle, malgré que, en tout cas en particulier, j'ai hâte de voir. Ça va être intéressant. Endo, de ton côté? Moi, je vais parler de Marvel vs. Capcom 3, un des gros jeux de combat qui est sorti il y a quelques semaines, ainsi que le démo de Mortal Kombat. Andrew Castegan, si vous le suivez sur Facebook ou peu importe, vous savez que Mortal Kombat, c'est comme un petit peu ça. C'est vraiment ce qui se passe dans ses veines, c'est son sang. Il ne peut attendre ce jeu-là. Il a vraiment hâte. C'est-tu parce que vraiment, t'es un gars un petit peu violent ou... Ah, moi, j'ai ça qui coule dans les veines du sang de Mortal Kombat, moi. Oui, hein, c'est incroyable. Mais j'ai bien hâte de voir également ce dont on parle. C'est disponible présentement, ça a l'air. Et on va peut-être aller faire un petit tour à Montréal également, François. On va rejoindre Gabriel Tremblay-Gaudet du laboratoire NT2 qui va venir nous parler là, dans sa série de chroniques sur les jeux herméneutiques. Donc, il va nous parler de ça. Et on fera un petit peu d'actualité. Et si on a le temps à la fin, je vous parlerai également d'un des jeux que j'ai testé il y a déjà un mois de cela. Mais bon, c'est le temps d'en parler aujourd'hui. Et on va débuter en musique l'émission. On va écouter une pièce tirée d'un album qui vient juste de sortir. C'est un groupe de Québec, La Tourelle Orchestra. Et la pièce s'intitule Les Soldats. Vous êtes à Puissance Maximale. Table, je suis coupable, capable de tricher. L'aigle royal est si loyal envers la liberté. Tu m'inviteras pas, non, là, faux frère. Tu m'inviteras pas, non, là-bas sur ta terre. Un soldat, deux soldats, pour mieux tu l'auras. J'avais 203, go, trois soldats. Quatre soldats, cinq soldats, six soldats, il y a. Fast. Friedemann Friese und Sie hören Puissance Maximale. De retour sur les ondes de Sequoia, comme le disait Friedemann Friese, c'est Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique. Et tout d'abord, juste avant d'aller en chronique avec Michael Michaud, on vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur notre site internet qui est le www.puissancemaximale.com, également sur Facebook en ajoutant François G. Couillard à vos amis, et vous pouvez interagir directement live au cours de cette émission. Et François nous fera des petits commentaires de temps en temps pour voir ce que vous écrivez. Michael, t'as joué à Dragon Age 2. Oh oui! De BioWare. Yes, BioWare, chanceux. Qui est édité par EA, Electronic Arts. Et je peux vous dire que moi, je suis un grand fan de Dragon Age 1. J'ai joué à peu près à tous les DLC qui étaient sortis, tous les contenus téléchargeables qui étaient sortis. J'y ai joué de long en large, en ne trichant pas. Parce qu'il y a quelques semaines, j'avais fait une chronique sur la triche. Ça a été très intéressant. Oui, ben en fait, Dragon Age 2, on sort du conflit du Blight, tant que moi je l'ai fait en anglais, donc je connais pas les traductions qui ont été faites sur ce jeu-là, donc j'utiliserai les termes dans l'histoire en anglais. Donc on est le début du jeu se passe pendant le Blight. Pour ceux qui ont joué au premier jeu, ou ceux qui ont pas joué, le Blight c'est comme une invasion de créatures qu'on appelle les Darkspawn, qui sont en tout cas esthétiquement des genres de créatures mi-mort-vivantes, mélangées avec ce qu'on pourrait des trucs plus goblinoïdes un peu. Bref, c'est une esthétique assez... Une petite allure écailleuse de gobelins. C'est ça. Ça fait qu'on est dans le 1, on était en pleine guerre contre cette race-là, et notre personnage devenait tout au long du jeu, finalement, à la fin, le héros de Ferelden, qui est le pays où se passe le premier jeu. Dans le deuxième, on incarne un habitant du village de Lothering, qui est un village qui est à Ferelden. Et au début du jeu, notre personnage est déjà en train de se battre et est en train de fuir le village de Lothering, qui est en train d'être envahi par les Darkspawn. Il fuit avec ses parents et rencontre aussi un Templier et sa femme lors de sa fuite. Et il essaie de se frayer un chemin justement dans les montagnes pour essayer de se sauver. Notre personnage donc commence un peu au bas de l'échelle. On apprend rapidement comment le combat, comment maîtriser le combat. Oui. Est-ce que ça a changé un peu justement par rapport au premier? Le système, pas tant. Je vous dirais que c'est à peu près pareil. On va cliquer, on a le quick bar en bas pour aller chercher nos habiletés rapidement. C'est à peu près, je vous dirais, Andrew y a joué aussi, il pourra donner son opinion. Mais moi, j'ai l'impression que c'est pas mal comme le premier pour le système. Par exemple, l'esthétisme va être différent. En fait, une des choses qu'ils ont fait BioWare au niveau du système de combat, c'est de justement le rendre plus accessible pour les consoles. Sur PC, ça paraît pas tant que ça, ouais, mais ça. Le gros de la gamme qui a été changé, c'est pour s'appliquer mieux à une manette, justement. Fait que pour les joueurs de PC, on voit pas une très grande différence. Est-ce que c'est un combat qui reste en tour ou c'est un combat qui est plus direct? C'est exactement comme, moi, je dirais, moi, ma perception que j'ai eue, c'est exactement comme dans l'autre. Donc, on peut peser sur, ben, comme dans, après tous les systèmes de combat que BioWare avait sorti, soit avec les Neverwinter Nights ou autre du même genre, on va peser sur pause. On peut avoir le pause automatique à chaque début de combat pour commencer avec ses stratégies. Oui. Mais on a encore le système de tactique qu'il y avait dans le premier. Donc, on va désigner des tactiques spécifiques à chaque personnage pour savoir en telle situation qu'est-ce qu'ils vont faire, quel pouvoir ils vont utiliser. Et on y va, c'est comme ça. C'est un peu comme tous les autres jeux de BioWare. Donc, on choisit nos tactiques. On peut baiser sur pause quand on veut pendant le combat. Oui. Mais c'est un combat direct. On se bat, on clique, c'est assez rapide. Okay. C'est plus rapide même que dans le premier, je trouve. Moi, au niveau de BioWare, c'est certain que je me souviens de Mass Effect, par exemple. Le Mass Effect 1 par rapport à Mass Effect 2. Mass Effect 1, les combats étaient plus... on avait le choisir, comme tu dis, un peu les différentes armes qu'on a utilisées ou les grenades, tout ça. Tandis qu'avec le deuxième, on est allé plus dans le direct. Il y avait une interaction un petit peu plus justement console, un petit peu plus, disons, moins joueur de jeux de rôle où là, on prend le temps de faire le tour et tout ça. Là, tu parles vraiment d'un jeu qui est semblable au premier. Il n'y a pas eu ce changement-là au niveau Je vous dirais que ça s'assemble beaucoup, mais les combats sont beaucoup plus rapides. Okay. Et je m'explique aussi dans l'esthétisme du combat. On se rappellera pour ceux qui ont joué, par exemple, des mages qui allaient invoquer de gros sorts, là, ceux des derniers genres, les Firestorm et compagnie, ou les combattants qui se battaient avec les épées deux mains. Là, on voyait qui prenait son temps pour prendre sa swing puis tapait dans le gars. Mais là, il y a beaucoup moins de ça. Le combat va être plus rapide. Il faut vraiment être attentif à ce qui se passe puis à surveiller nos compagnons si leur vie descend rapidement. Oui. Parce que ça se passe très vite. Il faut être à l'affût. Et je vous dirais que les combats, L'esthétisme m'a un peu déçu, ça a changé. C'est moins réaliste dans le sens où, justement, quand le coup d'épée se donnait, mais là, tu voyais l'ennemi reculer un peu. On voyait qu'il y avait quand même une mimique intéressante quand il mourait aussi. Puis, par exemple, on avait les slow motion kills pour les genres élites puis les personnages boss. Sauf que là, ce qui arrive, c'est qu'on a une esthétique plus rapide, plus fantasy. Je pourrais pas dire manga, mais quasiment. Donc, premier combat que j'ai fait, je pars avec un combattant. Moi, mon personnage, c'est un combattant. J'avais une grosse épée de main. Premier coup, le gars, il donne un swing, il en pogne trois en même temps. Puis à un moment donné, il fait une attaque. Ben, il est comme en slidant par en avant très, très, très rapidement, en glissant. Donc, c'est plus, je vous dirais, ça va plus dans le fantasy. Épique. C'est ça, dans le épique, dans le fantasy. C'est moins réaliste un peu dans l'esthétique des combats, puis aussi dans la rapidité. On va beaucoup, beaucoup plus vite. Mais c'est quand même intéressant. Ce que je trouve un peu dommage, justement, c'est l'esthétique qui a changé. C'est qu'on y va... Par exemple, quand on fait un critical hit sur un ennemi normal, on va dire, là, les peons, c'est les petites unités faciles, mais ils vont exploser. Mais genre en morceaux. Okay. C'est que vous voyez... La première fois, j'ai comme été étonné. Je fais, c'est-tu un glitch? C'est-tu mes graphiques qui sont pas assez hauts? Puis je manque du gore un peu, parce que je vous dirais que... Je l'ai trouvé un peu plus gore que le premier, okay. Qui était quand même assez... Puis les sujets, on n'évite pas ce que je trouve intéressant, parce que Dragon Age, avec le premier, on s'est rendu compte que, contrairement à certains jeux, justement, disons, les Neverwinter, qui étaient dans l'univers de Donjons Dragons, dans les Forgotten Realms, mais là, avec l'univers de Dragon Age, c'est plus pour les adultes, plus pour les adolescents plus vieux un peu. Là. Il y a du gore, il y a des sujets, justement, on se rappelle qu'on tabou. Fait... Ouais, des sujets tabous, on peut partir, on peut tomber en amour avec d'autres personnes, avec les NPC, ouais. Et on peut coucher avec certains NPC au fil du temps, quand on devient plus amis avec eux autres, puis qu'on décide, justement, d'aller dans cette voie-là. Puis, en plus, il y a du gore, les sujets aussi, certaines quests avec des... J'en ai fini une tantôt avec des aliments de filles, que c'était un nécromancier qui ramassait des filles pour faire une fille qui prenait des bouts. Vous voyez que les sujets restent quand même adultes, puis même justement, il y a des petits côtés plus gros. Pour l'esthétique, numéro 1, c'est un bel update comparé au premier. Je vous dirais que, disons par exemple, les Kunari, qui c'est une race qu'on a retrouvée dans le premier, on en avait un dans nos équipiers dans le premier qui s'appelait Sten. Là, c'est des qui est quand même des personnages humanoïdes, mais vraiment bâtis, 6 pieds en haut, des montagnes de muscles. Mais là, on a encore plus peur d'eux dans le deuxième, parce que justement, l'esthétique a été rehaussée. La ville où se passe la majorité de l'action du 2 est intéressante. On n'a pas besoin, c'est ça, on n'est plus dans le local, dans les conflits locaux. Ce que j'aime beaucoup, ce genre de jeu-là, parce que des fois, comme dans le premier, on est contre, justement, les Darkspawn, il faut sauver Ferelden, il faut sauver, il faut tout sauver en même temps. Tandis que là, on commence tout d'abord par amasser de l'argent pour sa famille, parce qu'on est réfugié. Parce qu'on réussit à se sauver d'une façon que je révélerai pas aux amateurs de Dragon Age 1. Vous allez voir un peu aussi, vous allez avoir une belle surprise. Mais on se ramasse dans un autre pays, dans une autre région qui s'appelle les Free Marches, où à la place d'avoir un roi, ben on a plusieurs cités-états qui vont vivre sur un même territoire. On se ramasse dans une de ces villes-là qui s'appelle Kirkwall, puis il faut vivre là. On commence par être réfugié, donc faut commencer à se trouver de l'argent pour essayer d'amener notre famille à obtenir un peu plus pour les déménager. On reste avec notre oncle au début qu'on arrive là. Donc, il faut se sortir un peu de la merde où on sort à cause de la guerre, finalement, d'où est-ce qu'on vient. Donc, il faut se sortir de là. On commence avec ça puis il faut s'occuper de notre mère, il faut s'occuper de notre sœur qui est une mage. Puis on se rappellera que dans Dragon Age, dans l'univers de Dragon Age, les mages sont contrôlés par les cercles de magie puis aussi par les templiers. Mais notre sœur est une, ce qu'on appelle une apostate en anglais. Donc, elle s'est pas rapportée au cercle de magie. C'est pour apporter aux Templiers, donc il faut protéger notre sœur. Puis on va rentrer dans un conflit plus entre les Templiers et les mages. Dans le deuxième, quel camp on va prendre? Est-ce qu'on va défendre les mages puis la liberté personnelle, ou on va aller vers les Templiers, donc vers le contrôle des mages qui sont considérés comme dangereux puis qui peuvent pas résister à certaines tentations que les démons amènent parce que avec la magie dans Dragon Age 2, c'est beaucoup relié aux démons, l'utilisation de la magie. Donc, on faut prendre ce camp-là. Donc, c'est un conflit plus local. J'ai l'impression qu'on entre plus dans l'histoire. J'ai l'impression d'être dans un film. Je suis beaucoup dans l'histoire. Moi, quand je joue, contrairement à l'autre où je cliquais pour mes quests, où j'allais les faire, ouais. Là, je prends le temps d'écouter les dialogues puis de choisir les questions. On sait qu'avec BioWare, les dialogues, il y en a en masse aussi. Oui, il y en a en masse. C'est très, très complet. Puis, ceux qui veulent justement rentrer dans l'histoire, là, c'est excellent. Puis aussi, une affaire aussi que j'avais trouvé intéressant avec Dragon Age 2, que tu n'as pas parlé encore, là, mais plus que tu parlais de la narration, c'est aussi une chose intéressante, c'est que le jeu se passe comme raconté par une personne. personne. On joue pas les faits en temps réel comme dans Dragon Age 1. C'est un personnage qui a des tendances des fois à embellir la réalité, qui raconte notre histoire. Notre histoire. En fait, c'est un membre de notre équipe qui est un nain rogue qui tire à l'arbalète. Son arbalète qui s'appelle super belle, en fait. Ouais, qui s'appelle Bianca. Il a donné un nom à son arbalète. Et lui, il se fait accoster au début par un membre de la Chantry, donc qui est l'église dans l'organisation religieuse dans Dragon Age 2. Puis il pose des questions sur notre personnage qui est surnommé au départ le champion. Elle veut savoir qu'est-ce qui s'est passé avec le champion. Raconte-moi son histoire. Puis lui, il raconte. Finalement, tout le jeu, quand on va jouer, c'est ce que lui raconte à la fille. Donc, on va avoir justement là, les petites variations dans l'histoire selon le chemin qu'on va choisir. Si on défend les mages, si on va être du côté des Templiers, si on est mauvais, si on est bon. Donc, il va y avoir ces petites variations-là. Intéressant aussi, notre personnage a une voix dans Dragon Age 2. Donc, habituellement, dans BioWare, notre personnage n'a jamais de voix. On choisit un choix, disons, pendant un dialogue, un choix de conversation, un choix de réponse, et la personne devant nous va réagir tout de suite. Mais là, notre personnage prend le temps de parler. Donc, c'est aussi un peu ce côté-là qui est intéressant, qui nous inclut dans l'histoire, qui fait que l'histoire est plus inclusive un peu, là, le joueur va être plus dedans, va être moins dans, justement, toute la dynamique d'aller cliquer, faire des quests, puis on y va, puis on s'intéresse plus ou moins à l'histoire. Et au niveau de... Tu parlais de peut-être d'avoir une surprise si jamais on est des joueurs de Dragon Age le premier et tout ça. On donnera pas de spoiler ici. Est-ce que on est obligé d'avoir joué le premier pour jouer le deuxième? Non. Je comprends que ça peut être bien de l'avoir fait, mais si on est des nouveaux joueurs puis on pense acheter ce jeu-là... Pour le jeu, non. Il n'y a pas besoin. Il y a souvent des références au héros de Ferelden, qui est le personnage qu'on aurait pu jouer dans le premier. Mais l'option intéressante, par exemple, c'est qu'on peut aller chercher une de nos games savées de Dragon Age 1. Puis Dragon Age 2 va aller justement voir les choix qui ont été faits dans cette save-là. Disons la fin, ce que ça a donné. Il faut que ce soit une save qui a été terminée. Ou je pense que si elle n'est pas terminée, elle va chercher les éléments qui ont été complétés dans la quest. Il y a une moyenne qui se fait, puis il va prendre la fin la plus probable en fonction du chemin que tu avais commencé à suivre. C'est ça. Mais quand tu as une quest complète, c'est ça, lui, il va aller chercher ces événements-là, puis c'est ça qui va ressortir dans ta partie. Donc okay. Là, pour le moment, moi, j'ai pas terminé, mais sauf que moi, la game que j'ai commencé, c'est 100 games de Dragon Age 1, parce que moi, j'avais effacé mes anciennes games, j'avais recommencé là, pas si longtemps, puis là, le 2 est arrivé. Mais j'ai pas le temps de... Mais pour les gens qui sont intéressés par le monde de la triche, il y a des save game editor, il y a des save game generator. Donc, quelqu'un qui va avoir... il veut quand même savoir, disons, si j'avais fait... Si j'étais devenu roi, finalement, dans le premier, si j'avais été un humain noble, j'étais devenu roi, qu'est-ce que ça donnerait dans le 2? Ben, vous pouvez aller prendre ce petit logiciel-là, puis vous fabriquez votre game de Dragon Age 1. Ça fait que lui, il va générer une save game, puis après ça, avec Dragon Age 2, vous allez chercher cette save game-là fictive, puis là, Dragon Age 2 va nous sortir les éléments pendant la partie. Donc... On est rendu loin. C'est incroyable. Mais ça, j'ai trouvé ça même par hasard, parce que moi, pour moi, je me cherchais un save game editor pour plus tard, quand j'allais tricher pour ma deuxième game. Donc, j'étais déjà rendu là. Donc, j'ai trouvé ça en même temps. C'est que je vais pouvoir l'essayer, dès la prochaine game. Donc, je vous dirais un jeu fidèle à l'univers qui nous fait découvrir un autre aspect de l'univers de Dragon Age. On est ailleurs, on n'est pas dans le même conflit, dans le même monde. Des nouveaux personnages. On découvre un peu... le côté très contrôlant de l'Église dans ce monde-là... Quel hasard! Certains pourront dire que ça se rapproche de la réalité. Mais moi, je dis un jeu réussi, une très bonne suite, pognant, une histoire intéressante dans laquelle on rentre facilement. Puis je pense que c'est complet. Puis pour les amateurs de Dragon Age, c'est un achat. C'est un achat à faire. Excellent! Bien, merci beaucoup, Michael Michaud, d'avoir parlé de Dragon Age 2 ici à Puissance Maximale. Et François? Oh! François nous arrive toujours avec des surprises. On l'aime-tu, cette chanson-là, vraiment? Là? C'est la petite musique qui annonce un concours! Eh oui, c'est un concours qui se gagne aussitôt que vous appelez 529-9026. Donc, c'est tout simplement le premier tome de la série Scott Pilgrim, qu'on connaît bien. Oui. Donc, A Precious Little Life, donc c'est un manga. C'est l'histoire d'un petit gars qui joue du rock et qui a des pouvoirs magiques et qui doit combattre les ex-petits amis méchants de sa petite amie. Alors, une voilà. Très belle introduction à la grande aventure de Scott Pilgrim. Très intéressant. Donc 5-2-9-90-26 et l'affaire avec ketchup, vous l'avez. Sinon, on va écouter une pièce de musique. C'est toujours un groupe de Québec. Le groupe s'appelle Surcharge et c'est au bar chez Satan. Vous êtes à puissance maximale. Je suis Monsieur Fall et vous écoutez Puissance Maximale. Et on continue à Puissance Maximale avec des commentaires sur les jeux et Andrew va nous parler également d'un jeu, d'un jeu en particulier et ensuite peut-être d'un souhait là, qui va arriver dans quelques... 19 avril, il y a un gros rond sur mon calendrier. C'est fait, tu manques la job cette journée-là, puis... fallait pas le dire, non. C'est pas vrai. À cause de toi, je suis brûlé, là, mon boss va s'y attendre. Tu rateras le 20. Je vais parler de Marvel vs. Capcom 3, oui. Un jeu de combat qui est sorti il y a quelques semaines, que j'ai eu l'occasion d'essayer avec mon collègue Michael Michaud. Et c'est un jeu téléchargeable, c'est ça? Non, c'est un jeu achetable. Sur CD. C'est pas comme Marvel vs. Capcom 2, qui était un jeu qui était sorti sur les plus vieilles consoles. Oui. Lui, il est vraiment récent avec un 3D, avec un style graphique un peu à la Street Fighter 4, mais avec un système moins plus retravaillé. Non, ils ont retravaillé le système graphique pour mettre un peu plus de jeu de lumière. Okay. Un gros défaut qu'il y avait eu dans Street Fighter 4, ils voulaient faire un style dessiné, bande dessinée au niveau du Street Fighter 4, oui. Mais tout était lumineux. Même si on était dans une carte où il faisait noir, les bonhommes étaient hyper lumineux, fait qu'ils ont retravaillé là-dessus pour mettre ça plus dynamique un peu. Donc, une job, ma foi, très réussie. On voit la cinématique au début, puis on est comme, mais tu sais, quand ça commence à partir, on est comme, ah, parfait. Non, l'esthétique du jeu, dans le jeu, là, ça... Numéro 1. C'est ça, donc c'est excellent. Je vous dirais un jeu de combat qu'on peut catégorifier un peu dans les party fighting games, dans le style que c'est pas un jeu difficile à prendre en main comme Street Fighter 4 pour les attaques. C'est quand même simplifié. Mais c'est pas un jeu comme Super Smash Bros. Qu'on peut faire du button smashing. Il faut être plus tactique que juste ça. Virtua Fighter. Je suis le roi du Virtua Fighter, mais je peux te dire que... Tu joues tout seul? non, vraiment. J'ai joué avec des amis, mais bon, j'étais quand même presque imbattable, mais c'est vrai que c'est du button. On n'arrête pas de toucher toujours les boutons. Puis quand on joue justement à Street Fighter ou à Capcom, ces jeux-là, Je pense qu'on a un peu trop de technique quand on arrive avec les jeux simples. Après, on est comme, bah, me semble que c'est trop simple, puis on finit par pas être bon. Surtout dans Street Fighter 4. C'est ça, sauf que j'ai de la misère. Sauf que dans le fond, Marvel vs. Capcom 3, on va se rappeler dans le fond que le principe, comme dans les prédécesseurs, c'est qu'on choisit trois personnages à travers une librairie, ma foi, très impressionnante de personnages de Capcom. Plus grande que ce qu'on a vu à date dans ces jeux-là ou? Similaire. Oui. C'est à peu près une trentaine de combattants avec possibilité d'en avoir d'autres avec les downloadable content, les contenus téléchargeables qui vont sortir. Pour l'instant, on parle de contenu payant pour les personnages, mais on parle d'à peu près 99 cents, 1$ pour deux personnages. Adapte, fait que c'est quand même pas si pire. C'est le prix qui a été lancé sur le net. C'est pas un prix officiel. Veuillez prendre note. Non, mais c'est des choses souvent qu'on va acheter, on va faire passer rapidement sur la carte de crédit ou sur la carte qu'on a achetée. Il nous reste 2-3 pièces sur notre carte de PlayStation Network. Exactement. Puis en même temps, je trouve que c'est pas trop cher à payer pour des personnages débarrables. Fait que je me dis que c'est quand même très intéressant à ce niveau-là. En tant que tel, comme je disais, on choisit une équipe de 3, un système de jeu quand même très dynamique. On retrouve quand même les techniques de base de tous les personnages. Mettons qu'on prend Chun-Li ou. Ryu, c'est ça, merci. Ryu de Street Fighter, on est capable de ressortir quand même les techniques phares, dans le fond, que ces personnages ont sans trop de problèmes avec des combos ressemblants à ce qu'il y a de leur jeu originel. Pareil principe pour les personnages de Marvel. Dans le fond, qu'est-ce qui arrive? C'est que dans le fond, c'est des combats en un round. Dans le fond, il n'y a pas 3 ou 4 rounds, c'est un round, 3 combattants. Et c'est juste à temps qu'un des deux équipes n'ait plus de personnages ou encore que le temps soit épuisé et que ça soit lui qui gagne le plus de vie. Dans le fond, là, qui gagne le combat. Je vous dirais quand même très intéressant, c'est un jeu qui se prend quand même très bien en main. Chose qu'on rajouté dans Marvel vs Capcom 3 que je trouve intéressant, qui est dans le fond le mode simple, qui on connaît des fois le monde, mettons on a le goût de lancer un défi à notre oncle ou quelque chose comme ça, ben il dit tout le temps, ces jeux de combat là c'est trop compliqué, pas capable de tu sais ces oncles là oui t'es pas capable c'est un bon exemple ben oui t'es pas capable de sortir des attaques, t'sais, c'est trop compliqué, des choses comme ça. Ben il y a un mode simple qui est dans le fond un peu la mentalité du button smashing. On peut tout sortir les attaques à l'aide d'un bouton qui est le carré. Il faut tout simplement appuyer sur des flèches de différentes façons et on va être capable de sortir toutes les techniques. Par contre, une chose qui est bien, c'est que quand on fait ça, le jeu va automatiquement monter le niveau de difficulté un peu si on joue contre l'ordinateur. Donc, à le cas qu'on joue pas contre un autre adversaire humain puis on se met en mode simple, l'ordinateur va s'ajuster, le CPU va s'arranger pour faire quand même un bon défi pour pas que ça soit trop facile. Ouais, c'est quand même bien. Puis dans le fond, comme je disais, facile d'accès, quand même très beau à regarder. Les attaques spéciales sont très lumineuses, sont très impressionnantes. Ça prend l'écran généralement au niveau des attaques. Ouais, pour ceux qui connaissent les autres éditions là, de Marvel vs Capcom, là, on est dans la tradition, ça flash, ça pète de partout, puis non. Exactement. Puis en même temps, c'est un jeu que les combats sont pas très longs. On n'a pas tendance à passer une demi-heure sur le même combat. Généralement, mettons, un combat dure à peu près 100 secondes, parce que, notez, ils mettent ça en secondes. Généralement, après 45 secondes, c'est réglé. Là. Les trois personnages sont passés. Le combat est fini. Je dirais peut-être la seule bémol que j'ai vue à date au niveau du jeu, et Mickaël peut en témoigner, c'est que c'est malheureusement un de ces jeux-là qui vient nous ramener rapidement à la réalité qu'on joue en single player. On va jouer, ça va bien aller, on va passer les trois premiers combats, on va dire « Hey, ça va bien, je suis bon, t'es, j'ai la touch. » On arrive au quatrième, « Oh, hey, ça commence à devenir un petit peu plus rough. » On arrive au cinquième et voilà, le jeu vient de violer notre ego, si vous pouvez me permettre. On est ramené à la dure réalité que non, le jeu se laissera pas battre si facilement que ça. Après ça, on finit par passer le cinquième, on arrive au sixième, on tombe contre Hulk ou n'importe quel gros personnage qui fesse. Oui. Et on t'offre pas plus longtemps que 15 secondes ou 20 secondes et nos trois personnages sont à terre. On recommence, on le finit, on se rend au septième, c'est encore pire. Et après ça, on se ramasse contre le boss de la fin, que je vous dirai pas c'est qui, mais le personnage en lui-même, il prend la moitié de l'écran. Et on ne voit que la moitié du personnage. Pour ceux qui connaissent l'univers de Capcom, parce que je viens de vous spoiler que c'est un personnage de Capcom, ben vous allez pouvoir avoir un peu si. Et disons que c'est un des combats, ma foi, très difficile. Et il n'y a pas vraiment de façon de bloquer en plus ce personnage-là. C'est vraiment une question de temps. Tu connais les combos de tes personnages. Ouais. Sors celui-là qui fait le plus mal, puis go. Là, tu parles environ 8 rounds là, pour le mode solo. À peu près, oui. Par exemple, si on veut débarrer tous les... Une chose que je trouve bien aussi avec Marvel vs. Capcom, on n'est pas obligé de passer le story forcément avec tous les personnages si on veut débloquer tout le contenu du jeu. Ah d'accord, c'est bien ça. parce que dans le fond, la seule chose qui va faire en sorte qu'on peut déverrouiller en passant le jeu avec chacun des personnages, c'est les fins de chacun des personnages. Pour débarrer les cinématiques alternatives, pour débarrer les crédits, ben les crédits on les débloque tout le temps en finissant le premier, mais pour débarrer, mettons, les bios, pour débarrer d'autres personnages, il suffit juste de jouer. Autant en single qu'en multijoueur, qu'en sur Internet. Parce qu'à chaque fin de combat, le jeu nous attribue des points qui sont associés à notre profil de joueur de Marvel vs. Capcom 3. Et quand on atteint un certain niveau de points, ben, il nous débloque un mode de jeu, il nous débloque un personnage. Fait que, tu sais, mettons qu'on passe 40 fois le jeu avec les mêmes trois personnages, ça nous empêche pas d'avancer plus loin et de débloquer des nouvelles choses dans le jeu. Fait que ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Un autre élément aussi, ils ont réussi à rendre les trainings un peu intéressants, contrairement à bien des jeux de fighting où on part juste un mode avec un CPU immobile. Là. Oui. Ils ont ce mode-là pour le monde qui veut vraiment s'entraîner. Sinon, il y a un mode qu'on appelle mission, qui est dans le fond à peu près une cinquantaine de tableaux par personnage, qui est le seul et unique but de ces missions-là, c'est de justement apprendre mais les combos de chacun, wow, mais de façon concrète. Là. Tu sais, ça peut être, mettons, battre tel personnage, mais en faisant telle technique pour l'achever, ou faites cette technique-là au moins deux fois dans le combat. Fait que, tu sais, ça l'oblige les joueurs à vraiment se botter le derrière et à apprendre, dans le fond, les techniques de chacun des personnages. Fait que c'est quand même très bien à ce niveau-là. Puis en plus, ça débloque des choses quand on le fait, des costumes alternatifs et des éléments comme ça. Là. Mais ça reste quand même le bon vieux jeu, comme tu disais, d'entrée de jeu, le bon vieux jeu de party, de combat, un contre l'autre. On a chacun notre manette d'un côté et de l'autre. On est dans la même salle et on s'amuse comme des fous. C'est ça, c'est Marvel vs. Capcom 3 reste le jeu où le plus divertissant, c'est vraiment de jouer avec la personne à côté parce que, tu sais, comme n'importe quel jeu de combat, il y a une petite frustration quand on perd dans ce jeu-là parce que, tu sais, il n'y a pas juste un principe de, bon, il y a gagné parce qu'il a tout le temps fait la même technique, tu peux pas dans Marvel vs. Capcom. Fait que, tu sais, quand on bat, c'est tout le temps des combats chauds, des choses comme ça, ou quand tu te fais vraiment battre, c'est que l'autre avait vraiment une technique supérieure, puis c'est vraiment, bon, là, je te relance, puis tu sais, c'est pas ben ben long qu'on se relance. Et ça, justement, c'est un des points que j'avais un petit peu d'attente à ce niveau-là. Je me disais, Marvel vs. Capcom 3 en ligne risque d'être intéressant à ce niveau-là. Malheureusement, j'ai eu l'occasion d'y jouer, j'ai été un petit peu déçu par l'expérience en ligne parce que le monde s'attendait parce qu'on peut faire des party games un peu où mettons, on est 8 dans une salle. Oui. Puis t'es dans le fond à tour de rôle, on se lance des combats, puis t'es plus c'est du 1 contre 1, ben t'es ils peuvent pas tous jouer en même temps. Mais moi je m'attendais qu'on regarde les autres jouer. Même pas. Moi je m'attendais que ça soit ça, t'es qu'on puisse regarder les autres jouer pour qu'on puisse voir les combats, voir les techniques, pour qu'on puisse savoir à quoi s'attendre avec l'autre comme si on était dans la même salle. Mais non, en fait quand il y a deux joueurs qui se battent, c'est tout simplement leur carte de joueur qu'on voit se taper dessus. Puis dans le fond, on reste dans le lobby en train de parler. T'sais, on n'a pas possibilité de voir le combat des deux autres. Ouais. Donc ça peut rendre l'expérience un peu blasant à la longue. Ça peut être long, ça comme peut être long. Dans le lobby, t'es la quatrième équipe sur quatre là, à passer. En fait, ça peut pas être long, c'est long. Fait que t'es, en plus, il y a eu des petits problèmes de performance en plus sur les serveurs du ouais. jeu. Là, t'es, comme on sait, la PlayStation Network, les serveurs sont majoritairement gratuits en fait. Fait que t'es, il y a eu des petits problèmes de performance, ben des fois au niveau des téléchargements de combats. Déjà en single player, des fois les loadings sont longs pour que le jeu parte. En multijoueur, c'est pire. Donc, tu sais, c'est certains éléments qui ont fait en sorte que je dirais, on va mettre ça de côté pour le mode en ligne. On va vraiment se concentrer en local avec les amis autour d'une bonne petite bière ou de la liqueur pour les mineurs. Et dans le fond, tu sais, c'est toujours agréable à jouer en équipe avec des gens. Moi, je vais t'avouer franchement, ou je vais vous avouer, messieurs, que l'expérience en ligne que j'ai eue la plus fun dans ce type de jeu-là, c'était Soul Calibur 4. Vraiment, ouais. Là, juste également en montant nos personnages, tout ça, en allant chercher nos personnages montés, mais j'ai pas senti que je vivais justement du cheat ou des choses comme ça, ou qu'il y avait des problèmes de serveur, ou justement, c'est clair, on ne pouvait pas se mettre 8, par exemple, dans la même salle, puis on n'avait pas de cartes qui se battaient l'une contre l'autre. Mais j'avais l'impression quand même d'être à mon niveau, parce qu'on voyait justement les différents niveaux des personnages avec lesquels on se battait, ou les gens avec lesquels on se battait. Quand même intéressant, j'aime bien l'idée d'avoir les 50 tableaux, par exemple, pour trouver tous les points forts de notre personnage. Bien sûr, si on se fait battre par notre ami, c'est parce qu'il a fait ces 50 tableaux-là avant nous autres. C'est quand même bien. J'aime bien ce type de jeu-là. Moi, je pense que je vais l'essayer. Vous autres, vous l'avez essayé, les gars. C'est vraiment intéressant. Moi, j'ai eu de la misère avec Street Fighter 4. Justement, je suis pas le style de joueur là, avec le stick analogique de demi-lune par en bas, demi-lune par en... J'ai de la misère avec ça. Moi, je l'ai essayé, Street Fighter 4. Je l'ai revendu parce qu'il me frustrait trop. Puis Marvel vs. Capcom 3, j'ai pas eu ce problème-là. Ça va être un jeu que je vais m'acheter. Super. Hey, vraiment, ben merci beaucoup, Andrew, d'avoir passé à Street Fighter 4. Non, pas Street Fighter 4, mais versus Capcom. Mais mon Dieu, on est en direct, c'est super. Et est-ce que tu avais un petit commentaire à faire à la fin sur quelque chose qui t'excite beaucoup ces temps-ci? Oui, bien, en fait, depuis en fin de semaine ou la fin de la semaine dernière, je ne sais pas exactement, la démo sur la PlayStation de Mortal Kombat, jeu que j'attends beaucoup personnellement, est devenue maintenant disponible à tous et non pas juste aux membres PlayStation Plus. Et je vous dirais, c'est vraiment... Dans les jeux de combat actuellement, je crois que c'est vraiment lui que... Il était dans deuxième ou troisième position. J'avais hâte, mais tu sais, je me disais, hey, Mortal Kombat, les derniers jeux, c'était un petit peu n'importe quoi, je vais garder une certaine réticence pareil, mais j'attends beaucoup. Et j'ai essayé le démo, quatre personnages accessibles, Scorpion, Sub-Zero, Milena et Johnny Cage. J'ai eu l'occasion d'essayer les quatre et personnellement... Wow! C'est vraiment Mortal Kombat, comme à l'époque, le gars tout plein, vraiment comme on retrouve à l'origine. Je dirais, n'importe qui a aimé Mortal Kombat 1 et 2 doit essayer ce Mortal Kombat-là. C'est vraiment un retour aux sources pur et simple. Et je vous dirais, l'édition collectionneur, je me l'ai commandé. Elle vient avec des petites étoiles, là. Non, dangereuses en métal. Fait, l'édition collectionneur vient avec, dans le fond, des racks à livres, là, des genres de pierres qui empêchent les livres. Oui. D'un côté, c'est Scorpion, un personnage quand même très important de Mortal Kombat, qui lance sa fameuse chaîne. Son harpon qui dit Get over here, normalement. Ouais. Come here. À travers la roche. Et l'autre côté, c'est Sub-Zero qui est broché après le mur avec le harpon de Scorpion qui traverse le torse. Ah, c'est quand même très bien. Puis j'ai vu des photos, ça a vraiment de l'air super. Des costumes exclusifs, c'est vraiment une belle édition, ça vaut la peine. Par exemple, 120$ pour l'édition collectionneur, quand même très dispendieuse, mais les détails des porte-livres est vraiment là, ça vaut le prix. C'est que si on sait qu'Andrew est cassé, ben on va savoir pourquoi. Oui, c'est ça. Mais en fait, il faut commencer à apprendre nos combos de fin, hein, parce que faut retrouver... Ils ont simplifié, d'ailleurs. Ah, c'est vrai? Donc, Mortal Kombat 3, c'était rendu quand même très compliqué, là, fait qu'ils ont simplifié ça là, pour rendre ça plus accessible à tous. Excellent, bien, merci beaucoup, et on y va en musique. On va écouter juste un petit indicatif. Oui. On va rejoindre notre ami Gabriel Tremblay-Gaudet du NT2, qui est à Montréal. Excellent. Donc, on va rejoindre notre ami Gabriel Tremblay-Gaudet. Et il était dans la série de ce temps-ci. Bon, M. Gaudet, c'est un chercheur très, très sérieux. Et il faisait des recherches sur les jeux herméneutiques. Alors, dans la série, là, la dernière épisode de la série, les jeux herméneutiques. Bonjour, Gabriel. Salut, comment ça? Ben, sérieux? Ben, très, très sérieux. Les jeux, c'est sérieux. Non, ben oui, en fait, ça, c'est des jeux qui sont plus sérieux. Mais en tant que chercheur, je suis pas toujours sérieux. C'est bon. Donc, est-ce que tu as fait des découvertes? Peut-être juste pour récapituler pour les gens qui ne sauraient pas exactement de quoi je parle. Ce que j'appelle des jeux herméneutiques, c'est des jeux qui vont modifier un peu les paramètres, qui vont modifier l'expérience de jeu par différentes stratégies de manière à ce qu'on les interprète. Par interpréter, je veux dire le sens classique qu'on emploie quand on parle d'œuvre d'art ou quand on interprète une œuvre, on essaie de savoir quels sont les messages qui sont dans l'œuvre, la morale, ou qu'est-ce que l'auteur a voulu dire, ou quelle est l'idéologie derrière le jeu, etc., etc. Bref, qu'est-ce qu'on veut nous faire ressentir? La plupart des jeux vidéo vont moins insister sur cette facette-là du jeu, vont plutôt essayer de nous donner une expérience divertissante ou immersive, ou etc. Mais j'avais remarqué sur Internet un certain nombre de jeux qui... souvent des jeux faits par des designers indépendants, des jeux assez low quality, beaucoup pixelisés, qui vont essayer de passer des messages de manière plus directe et qui le font en jouant sur les codes du jeu vidéo. Un exemple assez connu et que j'invite tous les auditeurs à essayer est Passage de Jason Rohrer. Bon, son nom est dur à prononcer en fait. Et donc c'est ça, c'est ces jeux-là. Et je me suis rendu compte que les trois stratégies qui étaient utilisées, c'était soit mettre des règlements qu'un jeu qui le rendait par exemple difficile ou qui contraignait à aller dans une seule direction, donc faisant en sorte qu'au terme du jeu, on se dit « Ah, ben c'est ça qu'il fallait faire. » C'est ça, « Don't look back » pour brûler un peu le punch. C'est un jeu, dans le fond, sur la mort. Alors, c'est pas un sujet super... d'habitude, qui est assez exploité dans les jeux vidéo, mais de cette façon-là, de cette façon un peu sérieuse, ouais, c'est un jeu qui provoque une réflexion. Oui, c'est ça, des jeux qui proposent des réflexions. Fait que c'est ça, souvent on va le faire par un, ou par exemple, il y a des jeux avec un contexte narratif, il y en a un sur Adult Swim qui, je vais peut-être reparler un peu plus tard, qui s'appelle Corporate Climber, qui est un jeu de plateforme où on commence au bas d'une compagnie comme un concierge qui doit nettoyer des toilettes, et on va graduellement monter les étapes dans la compagnie pour finalement devenir un patron, mais plus on monte, plus on a des tâches sont moralement répréhensibles, comme renvoyer des employés, trafiquer des livres de compte, etc. Donc le jeu, en fait, si je me souviens bien, j'ai joué à ce jeu-là, puis à la toute fin, la dernière étape en haut, c'est effectivement de renvoyer tous les employés de l'entreprise, et ça finit que les employés nous sacquent par la fenêtre, et on tombe de 20 étages, et on s'écrase en bas, et on recommence. On va faire un petit tour en enfer, parce que c'est ça que nos actions moralement répréhensibles nous promettaient. Fait que c'est sûr que ces jeux-là, tu sais, quand on dit... le contexte jeu, c'est pas tu t'es réveillé sur une planète, t'as une espèce de méga gros gun, il y a des zombies, garde-toi, mais c'est là tu vas travailler dans une entreprise, tu vas monter des étapes, on essaie de proposer une réflexion. Certains des jeux les plus réussis comme ça vont enlever à peu près tout défi dans le jeu pour que on arrête d'avoir un rapport ludique avec le jeu pour se tourner vers un rapport herméneutique. Ils vont combiner différentes stratégies. Des fois, plus le jeu est réussi en termes de ce qu'il propose comme message, moins il est en termes de jeu. Il y a un jeune créateur que je vous invite à découvrir parce que là, en ce moment, ce qu'il fait, c'est assez limité. C'est très court, mais il y a beaucoup de potentiel. C'est un gars qui s'appelle Austin Breed. Austin, comme le évoluteur qui s'appelait comme ça, je pense. B-R-E-E-D. Et lui, en fait, fait des jeux très courts qui jouent sur le fait que t'as une interface de jeu, t'as des objectifs et t'as des actions à poser pour faire passer ces messages, mais c'est pourri comme jeu, là, parce que tu peux pas gagner, tu fais le tour en 2 secondes ou 3 minutes, et t'as pas de plaisir à y jouer, mais c'est une manière intéressante d'utiliser le jeu vidéo pour faire réfléchir le joueur. Mm-hmm. Et moi, en fait, la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que les formes les plus radicales, comme le passage de Jason Rohrer reste quand même un jeu, on peut continuer à y jouer, même si une fois qu'on a passé par-dessus tout le commentaire sur la mort, on peut quand même l'explorer comme jeu, mais sont moins le fun par exemple que Corporate Climber, donc qui, même s'il passe son message sur le monde du travail, reste plaisant comme jeu, reste quand même porté par une intention ludique. Et comme ces jeux-là faits par des créateurs indépendants, c'est un peu comme des œuvres d'art d'avant-garde, c'est-à-dire qu'ils se posent contre les valeurs d'un système, contre un courant artistique dominant commercial. Là, par exemple, on pourrait penser aux jeux vidéo qui sont basés uniquement sur le divertissement puis qui mettent beaucoup de déploiements pyrotechniques. Fait que ces jeux vidéo d'avant-garde-là veulent insister sur un autre rapport au jeu, sur un rapport de réflexion, de compréhension, d'émotion, peu importe ce que c'est. Et ils vont vraiment pousser, vont éliminer l'élément ludique pour accentuer l'autre élément. Et les jeux actuellement sont radicaux dans cette approche-là, mais graduellement, dans l'histoire des arts, tous les mouvements d'avant-garde ont graduellement été récupérés, sont allés vers le centre de la production. C'est ça, t'as-tu un exemple? Je pense que l'exemple que les gens pourraient le plus connaître, ce serait le pop art, par exemple. L'art pop d'Andy Warhol ou Roy Lichtenstein, au début, c'était très subversif de mettre une canne de soupe sur une toile de musée. Et maintenant, le pop art, c'est une imagerie qu'on voit souvent, les portraits à la Andy Warhol. Même le punk, en fait, en musique, c'est l'exemple le plus récent. Le punk, c'était un mouvement d'avant-garde. C'était faire de la musique sale, qui était pas bien arrangée, pas bien orchestrée. On se défonçait la gueule, puis on pétait notre guitare sur le bord du stage. Puis maintenant, je veux dire, il y a du punk rock, puis il y a du pop punk, tu sais. Donc, c'est ça. Puis je pense que certains des exemples que j'ai étudiés pour mon article sur les jeux vidéo dominant herméneutique, c'est comme les formes les plus radicales de jeux vidéo herméneutiques, comme l'avant-garde à l'époque. Et j'espère quand même que ces éléments-là radicaux vont graduellement intégrer le marché du jeu vidéo plus commercial ou plus mainstream. Ouais, tu vois ça d'une façon positive? L'intégration, oui, d'une certaine manière, parce que l'expérimentation radicale au début, c'est bien, sauf que à quelque part, pour que le jeu vidéo rejoigne plus de gens et soit plaisant, pas juste comme expérience intellectuelle, mais aussi comme expérience de jeu, il faut qu'il y ait une qualité ludique. Parce que, je veux dire, comme par exemple, moi j'aime ça des films, aller au cinéma pour voir des films intelligents, mais ça me dérange pas d'aller voir G.I. Joe aussi. Mm-hmm. Et si on fait un jeu vidéo comme... imagine qu'il programme quelque chose dans le règlement du jeu du prochain Mortal Kombat qui ferait poser une question sur, je sais pas moi, les rapports entre l'homme et la femme. Qu'il y a un fait, mettons, il y a certains finishim, quand t'es un personnage de gars, tu peux pas le faire sur les femmes. Le jeu t'empêche de le faire. Le joueur pourrait avoir du fun à jouer à Mortal Kombat, mais là, il se dira, pourquoi est-ce que le gars peut pas le faire à la femme, tu sais? Mm-hmm. C'est un exemple con comme ça, là. Mais il pourrait commencer à s'intégrer un autre rapport au jeu qui serait pas juste basé sur le divertissement. Absolument, une composante herméneutique. Exactement. Ça, c'est quelque chose que je pense qui pourrait être souhaitable. De toute façon, certains des créateurs, certains des jeux que j'ai étudiés, les créateurs, en fait, sont des jeunes gars assez indépendants qui utilisent le jeu vidéo comme médium d'expression artistique, mais on sent que ils sont dans, mettons, ils ont même pas 20 ans, ils ont début vingtaine, puis éventuellement, il va falloir qu'ils payent leur loyer puis qu'ils fassent un peu plus d'argent. Et là, ils vont sûrement se tourner vers les grosses compagnies de jeux vidéo pour continuer leur carrière. Et le fait d'avoir eu des pratiques radicales quand ils étaient jeunes puis d'avoir vraiment poussé à leurs limites une certaine approche du jeu vidéo, c'est sûr que ça va être bénéfique s'ils commencent à travailler sur des projets plus importants puis qu'ils vont garder beaucoup de leur esprit d'expérimentation puis d'oser des choses. Donc voilà, donc les jeux herméneutiques peut-être deviendront-ils mainstream? Donc Gabriel Tremblay-Gaudette, est-ce que tu aimerais quelque chose, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce sujet-là? Sur ce sujet-là, pas vraiment, mais en fait, j'ai hâte moi aussi au nouveau Mortal Kombat. Je me souviens que j'ai eu pas mal de fun dans le temps, puis ça fait longtemps, moi je suis vraiment pas bon dans les jeux de combat, mais celui-là, je me débrouillais quand même à l'époque, fait que j'ai hâte quand la sortie est prévue pour quand? Le 19 avril, puis il est disponible en démo sur le PSN, si ça t'intéresse. Ok, ah ben c'est parfait, je vais avoir fini ma session, fait que je vais avoir du temps consacré à ça. Mais Andrew est pas d'accord, lui, à rajouter ce petit côté hermeneutique à ce jeu-là. Ouais, faut laisser ces jeux-là bêtes comme ils sont. il faut les aimer pour ce qu'ils sont, mais... C'est bon, je te remercie beaucoup, Gabriel. C'est moi qui vous remercie, bonne semaine. Les gens qui veulent avoir plus d'informations, donc tapez Lab NT2 sur Internet, sur Google, et puis vous allez tomber sur le site, et il y a toutes sortes de recherches qu'on peut voir là pour creuser votre recherche, creuser votre interrogation sur l'univers ludique. Merci, Gabriel. Merci, bonne semaine. Alors voilà, et on continue tout de suite en actualité. Oui, faisons de l'actualité. Je vais essayer du live, bien sûr. Moi qui pensais que François avait les premières nouvelles. Ah, mais... oui. Non. Là, je suis pas prêt. Non, mais il n'y a pas de problème. Mais en fait, je peux vous en donner une, moi, pendant ce temps-là. Allons-y. Il n'y a pas si longtemps que ça, pendant une convention de jeux de rôle, en fait, une convention sur le monde de White Wolf, il est annoncé un MMORPG sur l'univers de Vampire, de Masquerade, et pas sur le nouveau World of Darkness, mais bien dans l'univers de l'ancien, Vampire de Masquerade, où on avait tout. On en a parlé il y a deux semaines avec François. Les Gangrel, les Brujas, les Ultramers, etc. C'est ça, avec l'Eventru, tous ces anciens clans-là, cette ancienne organisation-là des vampires. On va pouvoir les retrouver dans un MMO qui a été annoncé, si je me rappelle bien, pour la fin 2011. Faudra aller vérifier sur le net. Là, j'avais vu un petit trailer là, qui était vraiment un petit teaser pour les fans lors de cette convention-là. Et beaucoup, beaucoup d'attentes par rapport à ça. Moi, ce que j'ai pu lire, des personnages qui pourrait mourir, mais de façon définitive, pas à la WoW, donc, où quand on meurt, on court du cimetière jusqu'à notre corps pour revenir à la vie, mais bien une mort de façon définitive. Je surveille ça de très près parce que j'ai hâte, justement, le développement de cet univers-là, puis aussi les modes de jeu qu'il va y avoir. Ben moi j'aurais peut-être une petite nouvelle très rapide. Si vous le saviez pas, ben le Japon a été touché par un tremblement de terre et un tsunami. Si vous le saviez pas, ben allumez votre radio. Puis dans le fond, juste pour dire, pour tous les fans de dessins animés japonais et de manga de ce monde, si vous remarquez qu'il y a des retards dans vos séries ou encore des annulations, inquiétez-vous pas. Il y a plusieurs studios qui ont annoncé justement ce genre de délai-là pour deux raisons. Soit qu'ils font des coupures pour l'énergie et tous ces éléments-là pour aider le Japon à se reconstruire, absolument, ou encore que certains dessinateurs ont simplement disparu lors du tsunami. C'est dommage. On souhaite qu'ils sont toujours en forme et en santé. Mais étonnez-vous pas si vous remarquez ces genres d'anomalies-là. C'est malheureusement normal. Mmh. Et d'ailleurs, parlons-en justement du Japon. Donc, justement, il y a eu des problèmes avec un tsunami et des centrales nucléaires qui menacent d'exploser. Il y a la compagnie NCSoft qui a fait un gros don justement pour aider le Japon. Donc, NCSoft, c'est une compagnie de MMO sud-coréenne. Donc, ils ont offert 6,3 millions de dollars. C'est un des plus gros dons. En fait, c'est le plus gros don de la Corée du Sud. mais un des plus grands dons du monde. Et NC Japan va continuer quand même à offrir des services de jeux en ligne pour le Japon, pour les joueurs qui ne sont pas touchés trop profondément par la catastrophe. Et NCSoft, c'est un joueur assez médium ici en Amérique, mais en Asie, là, avec des jeux comme City of Heroes, Lineage 1 et 2 et Ion, en Asie, NCSoft, ça fonctionne beaucoup. C'est une très grosse entreprise. Et les jeux comme justement la série Lineage, là, c'est vraiment une très très gros en Asie. Et apparemment que le don de NCSoft serait supérieur que les dons de Nintendo et de Sony. Wow! C'est deux compagnies japonaises. Ils ont clenché quand même. C'est Nintendo et Sony, c'est quand même pas rien. Hein. Ben, qui doivent être, parce que le Japon doit être un de leurs plus gros marchés aussi, donc ils en profitent. Et autre nouvelle, Square Enix négocie un congé de taxes pour un studio au Canada. Donc Square Enix, encore un autre gros joueur dans le domaine du jeu vidéo. Il serait en train de regarder pour ouvrir un studio d'une centaine d'employés à quelque part au Canada en 2012. À quelque part en 2012. Où est-ce que ça va être? Est-ce qu'on parle les paris? Ben, c'est ça qu'on dit. Il négocie un congé de taxes. Donc là, évidemment, c'est les crédits d'impôt, les entreprises carburent à ça. C'est les crédits d'impôt, évidemment, c'est des taxes que nous, contribuables, devrons payer en plus pour aider les entreprises à se starter. Donc, c'est ça, ils sont en train de regarder avec trois villes au Canada, Montréal, Toronto et Vancouver, pour voir lequel des gouvernements va être le plus sensible à leurs arguments. Ouais, il y aurait des bonnes chances que ça aille dans l'Ouest, comme Michael le disait, de façon muette ici en studio. Vu la proximité. Moi, je mettrais... Justement, le côté asiatique aussi très, très fort. Moi, en fait, je mettrais un 5 sur Vancouver pour la simple raison qu'il y a un studio d'Eidos à Vancouver. Puis Eidos est rendu avec Square Enix, donc ça aurait du sens. Il y aurait des très bonnes chances. Il faut dire que Square Enix a déjà un studio à Montréal. Il a acquis ce studio-là de Eidos en 2009. Et donc, il y a eu une entrevue qui a été donnée par Stéphane Dastou, qui est le directeur de Eidos Montréal. Il a dit, lorsque Eidos est arrivé à Montréal en 2007, le gouvernement a fait une bonne offre. Mais depuis ce temps-là, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. Et depuis 4 ans, donc, ils sont en train de regarder pour un autre studio au Canada. Et apparemment que le nouveau studio va se concentrer sur les jeux de Next Generation, selon M. Dastou. Donc, on est encore un petit peu loin. Ben, on parlait de studio, justement. Ben, saluons la gang de gamers qui sont allés donner leur nom en fin de semaine chez Binox à Québec pour les emplois d'été qui étaient disponibles. On sait que depuis un certain moment, même à peu près un mois et demi, Binox avait annoncé partout qu'il y avait des emplois d'été qui étaient disponibles pour les étudiants. Je pense que c'est beaucoup plus des étudiants universitaires. On recherchait des étudiants universitaires, également des étudiants du cégep, peut-être même qui étudient dans le domaine du jeu vidéo. Et parce que, bon, c'était plus facile, justement, d'adapter l'horaire. On voulait vraiment travailler sur... les tests de jeu dès la fin des études, tout simplement, fin mai, début juin. Et je pense qu'il y avait une session de formation très intense et intensive pour amener ces gens-là à devenir des testeurs compétents, selon ce que Binox veut avoir également. Eh bien, d'après ce qu'on comprend, c'est qu'il y a quand même eu 250 candidatures qui ont été retenues pour cette journée-là, mais on sélectionnait 100 personnes dans l'entrevue et je pense qu'ils ont reçu beaucoup, beaucoup plus de candidatures par email que les 250 qui se sont présentées. Alors, des crazy, même peut-être des auditeurs de Puissance Maximale qui sont allés faire un tour chez Binox et on vous souhaite bonne chance dans votre aventure et on espère que vous aurez l'emploi. Sinon, très rapidement, juste pour dire que Luc, un de nos fidèles auditeurs, vient nous signaler qu'il y a une bande-annonce pour le nouveau film Des Schtroumpfs qui va sortir bientôt. Ça va être un film en 3D et on va y retrouver les personnages, là, les fameux Schtroumpfs qu'on connaît bien. Et Gargamel va être joué par... un gars qui a des gros sourcils. Et voilà. Et puis sinon, on se dit, c'est la fin de Puissance Maximale. Ah, c'est déjà la fin de l'émission. Juste pour rappeler que c'est qu'il risque de fermer dans les prochaines semaines, alors vous pouvez quand même encore contribuer et acheter une carte de membre. Vous pouvez le faire de trois façons. C'est CueillerFM.org, en personne à 100 ou 600 Côte-de-Brame, ou vous pouvez appeler sur les heures de bureau 529-9026. Eh bien, c'est là-dessus que se termine Puissance Maximale, cette édition de Puissance Maximale. Et bien, on salue tous les gens qui ont participé à notre émission. Gabriel Tremblay-Godette du NT2 qui était au téléphone avec nous pour parler de jeux hermeneutiques. Également, Andrew Castegan qui est venu parler de jeux de combat. Oui, ça m'a fait toujours plaisir. Encerclez le 19 avril, encerclez-le. Le 19 avril, Andrew nous le dit, là, c'est Mortal Kombat qui sort. Et on aura la chance justement de sûrement jouer à ça avec toi. Merci beaucoup, Mickaël Michaud, d'être passé à l'émission également pour parler de Dragon Age 2. Merci à vous. Et merci François G. Couillard d'avoir été à la console aujourd'hui. Merci à toi, Vincent Langlois. Un plaisir et on vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine de jeu. My friends are coming over to my mom's basement bringing Funyuns in the Mountain Dew. I got a big broad sword made out of cardboard and that stereo's a pumping Zeppelin. It's that time of the night, we turn on the black light. Let the dungeons and the dragons begin. It's D&D! Fighting with the legends of yore. It's D&D! Never kissed a lady before. Nope. Mm-mm. Woo! All right, take it home.